Ok, on se porte, c'est la def. FL, yeah. Aujourd'hui je me lève, j'ai pas la pêche. M'habiller pour sortir c'est pas la peine. Je vais rien foutre de la journée, y'a rien à faire. À part tes mâts dérissés et fumer des patchs. Bref, le vendredi c'est là que j'ingurgite, j'ai toutes sortes de crasses. Un durum, du whisky, coca, de la grosse goose, ouais de l'amnésia. J'tisse comme un souli pour faire la fête, j'rate pas l'occasion. Ouais tu m'as peut-être vu dans de beaux états. Quand j'ai trop bu et que j'fous le scandale. Quand j'suis fort et méché, j'peux faire la galerie. Mais j'suis pas rigolo, j'fais le zigoto, j'roule des pipettos, j'fais ma zipoto. Yo, mes potes te montrer c'est quoi lâcher des sales rimes. Ah ouais. C'est la smala, on reste dans l'ombre, appelle-moi Dark Sidious. S'il y a des gens que je connais pas, ben je peux être taciturne. Par contre, quand je suis déchiré, je peux être un bon vivant. Si samedi tu t'es saoulé, je te souhaite un bon dimanche. J'allume mon pétard de fêtard que je m'éclate. Ouais, fais gaffe au mec là, bande de gays frustrés. J'accuse ces bâtards de faire croire que le nectar n'est pas sale, n'est pas crade. Ils sont jaloux, tu sais. Change d'humeur comme de chemise, ouais, je suis déprimé. Tout en douceur pendant qu'on ils ont laissé déprimer. Okay. Le sang est obèse, c'est clair. Le faute est trop léger. Ça c'est le blast frère, c'est vrai. Mon sport c'est la def, ok. Le son est obèse, c'est clair. Le vote est trop léger, FL. Ça c'est le blast frère, c'est vrai. Mon sport c'est la def. Putain je me lève, j'ai la tête dans le cul. Hier c'était la fête, même si je m'en rappelle plus. J'ai un sale mal devant, ça donne le snack que j'écraille sur la route. Je le regrette maintenant vu que je chie de la boue. J'ai une sale migraine, je prends un ibuprofène pour me remettre de la mine que j'avais la veille. Je prends une douche glacée, mais je me remets en équipement effectivement. Ouais, je vais rien foutre la journée, je me lève à l'heure. Ouais, du JT, non pas, c'est du petit déj. Toute la nage disée, je m'endors. Ouais, quand tu te lèves, on est trop fort. Ouais, ouais, tu perds ton temps, tu veux de la prod. Demande à ton tonton, les bitches j'adore. Ouais, les refrains chantants, et ça se voit fort. Alors t'es ton pointant, je suis pas vif, j'ai des biscottos à ces mecs. Je fais de la zik pour mes égotos qui bougent la tête. Ok, le sang est obèse, c'est clair. Le vote est trop léger, FL. Ça, c'est le blast, frère, c'est vrai. Mon sport, c'est la def, ok. Le son est obèse, c'est clair. Le vote est trop léger, FL. Ça, c'est le blast, frère, c'est vrai. Mon sport, c'est la def, ok. C'est clair. FL. C'est vrai. Ok. C'est clair. FL. C'est vrai. Mon sport c'est la def.